Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Thierry Gautret de La Mauricière. Bonjour Julien Vidal. Ben oui, je suis obligé de dire le nom de famille, ça permet de situer les gens. Mais je t'appellerai Thierry tout le reste de l'interview. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, Thierry. C'est le podcast dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et pour cette saison, le podcast, alors ça c'est sûr que ça change pas, il est encore et toujours soutenu par la NEF. Ça c'est une chouette nouvelle pour nous. La NEF, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une coopérative bancaire éthique. Après 35 ans de collaboration avec le crédit coopératif, la bonne nouvelle c'est que il y a eu 2 années de mobilisation, une campagne de levée de fonds citoyenne et ça y est, la NEF elle est plus adossée à aucune autre banque et donc elle est complètement indépendante et autonome. Ça nous réserve plein de bonnes surprises pour 2025 et c'est forcément une étape historique pour cette coopérative qui va élargir son offre de produits et de services pour mieux répondre à nos besoins tant du côté des citoyens que des entreprises. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ce qui change par contre un petit peu, c'est le format du podcast 2030 Glorieuse depuis 5 ans. Je donnais la parole aux personnes qui font les métiers des mondes de demain. Et pour cette 6e saison, la formule change un peu puisqu'on va parler des nouvelles croissances et des points de bascule pour qu'on soit encore plus stratégique dans l'avènement de ces 2030 Glorieuses. Le ton va rester le même, on va continuer à voyager en 2030 Glorieuses, on va continuer à avoir des lectures inspirantes, mais voilà, l'angle d'attaque, la porte d'entrée va changer un petit peu, je préfère vous prévenir. Aujourd'hui d'ailleurs, dans ce cadre-là, je suis heureux de te donner la parole, Thierry. Thierry, toi tu es le créateur du forum des acteurs de la non-violence et à travers des conférences, des ateliers, des échanges, tu entends développer la conscience que la paix commence en soi, par soi, et elle se tisse avec les autres pour s'étendre au monde par des actions concrètes. Ensemble, nous parlerons donc de joie, de communication non-violente, de nouveaux récits et de la paix en 2030 glorieuse. C'est un sujet particulièrement d'actualité si on revient en 2025, période dans laquelle on va rester un tout petit peu ensemble là pour faire les présentations. Je te pose quand même la question que je pose à tous mes invités en début d'échange, Thierry. Tu imagines que tu es à une rencontre avec des inconnus face à toi et qu'arrive cette question fatidique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu réponds quoi, toi, en général? Alors je réponds que je fais plein de choses différentes, parce que j'ai plusieurs casquettes, mais pour ce qui concerne le sujet qui nous amène à échanger aujourd'hui, je suis un acteur de diffusion de la communication non-violente et plus largement d'une culture de la non-violence. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers ce forum qu'on a initié en 2024, la première édition était en 2024, on souhaite, je dis on parce que en fait on est une équipe, hein, je suis pas tout seul à travailler sur ce projet, l'idée c'est diffuser ce qui existe déjà donner la parole aux acteurs et actrices de la non-violence, donc des gens qui sont déjà dans l'action, pour leur donner la visibilité, aussi pour désiloter un petit peu ce monde, parce que c'est il y a encore quand même dans ce secteur-là des logiques de silo. Ça c'est la première étape, et puis la deuxième c'est de diffuser vers le grand public la connaissance de l'existence de ces acteurs et actrices, et également des pratiques telles que la communication non violente, la méditation de pleine conscience ou d'autres qui favorisent un travail d'introspection pour se pacifier soi-même comme tu l'as dit tout à l'heure, et grâce à ça, pouvoir avoir des relations pacifiées avec les autres, d'une manière générale, et le vivant. Je dis en général que c'est mal. Enfin, en réalité, on nous dit souvent que voilà, si jamais on devait adopter un mode de vie plus, et là, on pourrait le dire de plein de manières différentes. Moi, je dis en général, je dis plus durable, plus solidaire, plus joyeux. On nous reproche, voilà, d'être des écolos bobos hors sol. On nous dit qu'on est des Amish. On présente ce futur comme quelque chose de décroissant. On dit qu'on va y perdre. Et moi, j'aime bien dire que en réalité, c'est la période actuelle qui est décroissante, qui est violente, dans laquelle on perd. Dans ce cadre-là, toi, pourquoi tu te bats ? Tu vois, pour quelle nouvelle croissance tu agis au quotidien ? Tu parles de non-violence, c'est tourné d'une certaine manière négativement. Est-ce que derrière cette non-violence, il y a l'envie de la croissance, de la paix ? Est-ce que tu le dirais autrement ? Ouais, alors c'est un sujet qui revient souvent, hein. La non-violence, c'est négatif. Est-ce qu'on peut pas parler de bienveillance, d'empathie, etc. Moi, ce que j'aime bien dans la non-violence, c'est que c'est dire non à la violence. Ce qui est quand même un élément fondateur autour de tous ces sujets, puisque ben la culture dans laquelle on baigne, qui est une culture du rapport de force, elle sous-tend la violence, et que la première étape, c'est d'arriver à pouvoir dire non à ça, c'est-à-dire sortir des automatismes dans lesquels on a été éduqué. Donc ça, c'est vraiment la première étape, quoi, et ça passe par une prise de conscience, quoi. Souvent, quand on discute avec les gens, ils ont pas conscience qu'il y a un enjeu de violence, voilà, dans les interactions. Quand on discute, par exemple, avec des entreprises pour leur dire, ben voilà, on peut organiser des formations à la communication non violente, la première réaction, mais bon, nous on n'est pas concernés, on n'est pas violent. Donc la première étape, c'est vraiment d'arriver à prendre conscience qu'on est dans une culture du rapport de force. Et on pourra en parler, hein, moi je trouve ça assez passionnant, hein, sur les origines de la violence. Je sais pas si c'est le moment là tout de suite d'en parler, mais je vais quand même en dire quelques mots. Il y a plusieurs personnes, hein, qui en parlent, des origines de la violence. Évidemment Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, hein, qui était un psychologue américain qui a développé la communication non violente dans les années 70 aux États-Unis. Donc lui, il parle évidemment de ça. Il se réfère à d'autres personnes, comme un théologien américain qui s'appelle Walter Wink, qui dit que à la fin du néolithique, quand l'humain est passé de chasseur-cueilleur à éleveur et agriculteur, le fait qu'il y ait des surplus alimentaires a complètement modifié la structure sociale, puisque à partir de ce moment-là, y a une question de propriété qui apparaît, et donc de droit, et puis aussi une notion de qu'est-ce que je fais de ce surplus, qui en bénéficie. Donc il y a quand même des questions de répartition qui se posent. Donc il y a la naissance de ce que c'est que la gouvernance, etc. Et puis aussi des questions autour de si j'ai un champ et que je le cultive, potentiellement je vais avoir besoin de main d'œuvre. Donc on va commencer à inventer d'une certaine façon les rapports hiérarchiques avec quelqu'un qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, etc. Et donc à cette époque, au moment où on découvre ça, où la société humaine découvre ça, elle commence à imaginer des règles, et le premier paradigme qui apparaît, c'est celui du bien et du mal, et qui est le fondement de notre société, hein, qui est au fondement de la civilisation humaine. Il y a le bien, il y a le mal, et il faut récompenser le bien et punir le mal. Voilà. Donc ça, c'est une vision, et Marshall Rosenberg en parle très bien, hein, il parle du paradigme du bien et du mal, qui est une des origines profondes de la violence dans le monde aujourd'hui. On peut le voir dans plein de situations. Évidemment, on peut aussi se dire que de façon assez avec bon sens, le bien et le mal, évidemment il faut qu'il y ait des règles, on peut pas laisser tout faire, etc. Mais c'est une vision aussi qui sous-entend que quelqu'un, une autorité, décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et on le voit aujourd'hui, que suivant les pays, suivant les périodes, bah, le bien et le mal, c'est pas la même chose partout, quoi. Bah, rien que chez nous, hein, déjà, Thierry, si je me permets d'intervenir, on dit que détruire des méga bassines, c'est mal, tu vois, on traite des gens qui se soucient de l'avenir de leurs enfants d'éco-terroristes, qui sont fichés S, donc il y a effectivement un bien et un mal qui sont en général quand même beaucoup utilisés pour... protéger le droit de la propriété, protéger les objets, protéger ce culte de la croissance et une violence qui se libère par rapport à ça. Franchement, notre échange, il peut pas mieux tomber. Et en fait, je me disais, bon, bah, on l'enregistre et c'est chouette parce que c'est un épisode du podcast et je pense que ça va répondre à pas mal de questions et de craintes, d'angoisses même peut-être qui sont chez des milliers d'entre nous, des millions même d'entre nous en ce moment en particulier. Je peux pas m'empêcher quand même de te partager, tu vois, cette réaction de Julien Devorex. Peut-être que tu le connais, Julien, il est créateur du podcast Sismique. C'est l'un des rares podcasts que je continue à écouter, même s'il existe depuis au moins autant d'autant que le podcast 2030 Glorieuse. Et dans son dernier post LinkedIn, qui date d'il y a vraiment 2 heures à partir du moment où on est en train d'enregistrer cet échange-là, Julien nous dit qu'on a un changement d'air et que c'est le grand retour de la puissance décomplexée. La morale ne pèse pas lourd. Ça, c'est le début de son post. Ensuite, il y a de nombreux paragraphes. Je ne vais pas tous les lire. Il termine de cette manière. Il dit « Dans ce monde où les rapports de force se dévoilent dans leur brutalité première, regardons la réalité en face. La morale ne survivra pas aux faibles. » Et l'image, c'est une image générée par l'intelligence artificielle de Donald Trump grimé en une sorte de guerre avec derrière des flammes et des squelettes, des têtes de mort. Moi, je vois ça et il y a quelque chose en moi qui, bah, déjà est vraiment triste et à la fois il y a aussi quelque chose qui dit, bah, c'est ce moment-là où il y a des grands déplacements dans le monde où on peut tirer la couverture vers soi. Toi, comment tu réagis par rapport à ça et comment tout ce que tu commençais à nous livrer sur cette non-violence, ça résonne vis-à-vis de cette période et comment ça peut aider les personnes qui sont dans cette même situation de révolte, pas de résignation, mais de fatigue aussi en imaginant ce qui se joue comme moi. Ouais, merci de partager ça. C'est vrai que on peut avoir la tentation, et c'est lié vraiment à cette culture du rapport de force, hein, et du bien et du mal. Je reviens juste là-dessus pour répondre à ta question, mais Marshall Rosenberg dit que ce paradigme permet de rendre désirable, voire agréable, la violence. Puisqu'à partir du moment où j'ai la sensation, la croyance, que l'autre a tort, et ben, du coup, le punir est une forme de satisfaction, quoi. Voilà. Et c'est tout le piège de ce paradigme, en fait. Et oui, je te rejoins sur le fait que la situation a beaucoup d'égards, elle est un peu désespérante. Hein. Il y a plein de gens autour de moi que j'entends de plus en plus dire, mais comment ça sert à quoi de continuer à faire ça? Ça sert à quoi d'essayer de pousser la non-violence quand on voit ce qui se passe dans le monde? Je crois que c'est vraiment une question de prise de conscience que en fait, rien, il y a pas de fatalité. On est dans un monde qui s'est construit sur ce paradigme du rapport de force, mais on peut en sortir. Enfin, c'est un choix de société, c'est un choix individuel aussi. Hein. Et on va arriver dans toutes les questions de complexité, hein. Puisque en fait, cette culture du rapport de force et donc du bien et du mal, elle est à la fois issue de notre histoire. Donc on la reçoit dans notre éducation et en même temps on l'entretient et on la transmet de génération en génération. Donc on est à la fois la partie à l'intérieur du tout et le tout à l'intérieur de la partie, quoi. Donc c'est toute la complexité du truc, quoi. Et en même temps on a un pouvoir d'agir. On a un pouvoir d'agir puisque, si j'en reviens, ça commence par soi. Hein, c'est en travaillant sur notre paix intérieure, individuelle, qu'on peut arriver à avoir un rapport aux autres qui soit pacifié et donc à considérer les choses de façon un peu différente. J'entends la nécessité d'exemplarité, d'incarnation et de cette manière pacifiée, saine, sereine, apaisée, de transmettre cette nouvelle relation plus lumineuse, plus rayonnante à l'autre, à soi-même en fait, et à tout le vivant. Est-ce que tu as quand même une envie aussi d'être un peu plus, je ne sais pas si c'est efficace le mot, mais peut-être de mettre un peu plus d'exponentialité dans cette idée du déploiement de la non-violence? Est-ce que c'est pour ça que tu as notamment lancé le Forum des acteurs de la non-violence? Est-ce qu'on peut faire plus qu'être exemplaire et donner envie à tous ceux qui vont refuser de s'adonner à la violence, de se joindre à nous, de se former, d'être à nouveau à leur tour des exemples qui rallieront d'autres personnes et de mettre vraiment... ce mouvement sur la grande vitesse. Alors oui, clairement l'objectif du Forum des acteurs de la non-violence, c'est ça, hein, c'est de diffuser cette culture, toucher le maximum de monde, arriver à ce que les gens entendent par l'État. Moi, avant de me former à la communication non-violente, j'avais jamais entendu parler de communication non-violente, hein, donc vraiment, ça n'était pas dans mon champ de vision. J'avais entendu parler évidemment de Gandhi, de Martin Luther King, mais la communication non-violente en tant que telle, ça me parlait pas beaucoup. Enfin, ça me parlait pas du tout même. Donc le forum, il a cet objectif, c'est-à-dire de réunir tous les acteurs de la non-violence. Et là, je ferais vraiment une distinction assez importante dans le sens où il y a les activistes de la non-violence, donc comme Alternativa, voilà, des personnes, enfin des organisations et ou des personnes comme John Paley qui défendent une action non-violente. Mais une action non violente, elle a pour objectif de rééquilibrer le rapport de force. Donc je suis toujours dans un paradigme du rapport de force. Bon, mais c'est utile parfois, puisque dans le monde dans lequel on est, qui est un monde dominé par le rapport de force, parfois c'est le seul levier qui est encore à notre disposition. Mais le paradigme de la communication non violente, c'est un paradigme où on considère non plus qu'il y a le bien et le mal et qu'on est dans des rapports de force. On considère que chaque individu est animé par le désir de nourrir ses besoins profonds et que tout ce qu'on fait concourt à la nourriture de nos besoins et que à chaque fois que je regarde l'action de quelqu'un, je peux me relier d'une manière ou d'une autre à une stratégie qui est mise en place par cette personne pour nourrir ses besoins. Alors, on va se dire que parfois, quand les gens agissent d'une manière qui nous paraît, nous, enfin, ou qu'on va étiqueter de mal ou de mauvaise ou quoi que ce soit, dans ce paradigme du bien et du mal, toujours, c'est quand même problématique. Et oui, en fait, ce que nous dit la communication non violente, c'est que on a des stratégies pour nourrir des besoins et que parfois ces stratégies sont en opposition ou en conflit avec les stratégies des autres. C'est-à-dire que si je prends un exemple vraiment basique, tu vois, tu imagines une famille avec des enfants, les parents rentrent du travail, ils sont fatigués, ils ont besoin de calme, et puis eux, les enfants, ils rentrent de l'école, ils sont restés sages toute la journée, ils en peuvent plus, ils ont besoin de se défouler. Les parents, eux, souhaitent nourrir leurs besoins de calme, et les enfants souhaitent nourrir leurs besoins d'extériorisation de leur frustration liée à la journée. Ces deux stratégies vont probablement rentrer en conflit. C'est-à-dire que quand les parents voudront du calme, les enfants voudront pouvoir crier, courir, jouer. Il peut y avoir à ce moment-là des frottements, des frictions qui vont être que les parents vont s'énerver, punir les enfants, etc. Mais si chacun arrive à se reconnecter à son besoin et à la nourriture de son besoin, alors je peux voir que il n'y a pas de véritable conflit et on peut arriver à trouver une solution. On peut arriver à travers la discussion, hein, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle de communication non violente. On peut arriver à trouver des stratégies qui s'accordent pour que les besoins de chacun soient satisfaits. Donc ça peut être que les parents, là dans cet exemple, accordent 10 minutes aux enfants de défoulement, voilà, où ils participent avec eux, et puis après un temps plus calme, voilà, où chacun. Thierry, on va parler du concret en 2030 glorieuse et d'imaginer à quoi ça ressemblerait cette société où cette non-violence sera largement normalisée. Je ne peux pas m'empêcher quand même de te poser un peu cette question de la concrétisation de tes propos et de tes combats, de tes engagements même. Parce que je trouve que des fois, sur ce sujet en particulier, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les voyages en 2030 glorieuse, tu sais, ces ateliers de libération des imaginaires qu'on anime collectivement maintenant avec plus de 400 guides un peu partout en France et puis même maintenant en Europe, puisque l'atelier il a été traduit en espagnol et en anglais. On arrive très bien à imaginer son quotidien, sa relation à la Terre. On arrive même très facilement à redire comment l'économie s'est remise au service de l'être humain. On arrive très rarement à associer à tout ça une dynamique géopolitique apaisée. Comme si, tu vois, tout ce qui nous concernait et semblait finalement accessible et toutes ces questions vastes de l'OTAN, de Vladimir Poutine, d'Elon Musk maintenant et de Donald Trump nous semblaient tellement lointaines, tellement immenses qu'on n'arrivait pas à les aborder avec ce prisme 2030 glorieuse. Vous, avec la communication non-violente, on est un peu là-dedans quand même entre bah, cette nécessité de commencer par soi et quelque chose qui à terme amènerait une société, une époque apaisée. Comment tu fais pour relier ces deux extrêmes du quotidien individuel où chacun doit incarner cette non-violence, la pratiquer, la nourrir, la porter et son accomplissement et son déploiement au niveau international dans cette période de grands troubles. Ouais, c'est une question importante. Merci de d'aborder ça. C'est un sujet qu'a beaucoup abordé aussi Marshall Rosenberg, puisque lui disait que si je me limite à utiliser la communication non violente comme une méthode pour être en paix avec moi-même et avoir des relations apaisées avec mon entourage, en fait, j'utilise la CNV comme un stupéfiant, parce que l'objectif c'est pas d'endormir les gens et que on soit dans un truc un peu bisounours, mais vraiment d'aller vers la dimension systémique. Donc de s'attaquer au sujet de en quoi la violence a une dimension systémique dans notre société et comment je peux lutter contre. Donc c'est un vrai sujet. Donc ça passe par donc d'une part le forum pour faire parler du sujet, arriver à ce que ce sujet revienne sur la table. Moi, mon objectif vraiment très concret, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais c'est de se dire que le forum arrive à toucher de plus en plus de monde, que on sorte vraiment du petit microcosme dans lequel on parle de non-violence, hein, voilà, les activistes entre eux, les réseaux de communication non-violente entre eux. C'est vraiment de sortir de cet environnement, d'aller vers les entreprises, d'aller vers le politique, d'aller vers les médias. Pour que le sujet de la non-violence redevienne un sujet de société dont on parle et que on puisse se poser les questions de se dire ah bah tiens dans telle situation ah mais comment on ferait si on voulait avoir une approche un peu non-violente sur ce sujet, comment on ferait, comment on traiterait ce sujet. Donc il y a vraiment cette ambition pour le forum des acteurs de la non-violence d'aller jusque là. Donc ça se fera pas en une seule fois, c'est pas avec une ou deux éditions qu'on arrivera à ça, c'est un travail de long terme. Mais vraiment, pour moi, l'idée, c'est d'arriver à remettre ce sujet à l'agenda des médias et de la politique. Allez, on parlera de tout ça en 2030 glorieuse, une fois qu'on aura passé ce cap. Et entre les deux, là, 2025 et 2030 glorieuse, c'est bizarre de le dire comme ça, parce qu'en fait, 2030 glorieuse, je l'ai lancé en 2020, donc j'avais l'impression qu'on avait 10 ans, qu'on avait le temps. Il nous reste 5 ans, et à la fois, les 2030 glorieuse, c'est le début d'une ère, donc en fait, on pourrait très bien se projeter. Et peut-être que d'ailleurs, tu as envie de le spécifier quand on y sera, en 2035, 2040. Les 2030 glorieuse, c'est le début de plusieurs décennies, sans doute. Donc, à toi toi de nous dire tout à l'heure de combien de temps tu as besoin pour que ta vision se mette en place. Mais entre ces deux moments, il y a la lecture inspirante qui nous est proposée par l'invité comme un cadeau, comme une respiration. Parce que je suis persuadé qu'on a dans nos étagères voilà, autant de fenêtres vers les 2030 glorieuses et le déploiement de valeurs qui nous sont chères. Qu'est-ce que tu vas nous lire, toi, Thierry ? Qu'est-ce que tu vas nous faire comme cadeau ? Alors, tu vas pas être étonné, je vais vous lire un passage d'un livre de Marshall Rosenberg. Non, je serais pas étonné. Fondateur de la CNV. Mais en fait, c'est un livre qui est plus édité, que j'ai acheté d'occasion, et dont le titre est vraiment d'une actualité brûlante. Le titre, c'est « Parler de paix dans un monde de conflits ». Certains, comme l'historien et théologien Walter Wink, un mythe s'est développé il y a 8 à 10 000 ans, pour diverses raisons. Le mythe de la vie vertueuse, qui glorifie la victoire des forces du bien sur celle du mal. Il semble que ce mythe a favorisé l'existence des régimes autoritaires, dont les dirigeants s'autoproclament rois ou tsars. Ces sociétés de domination, comme je les appelle, celles dans lesquelles ceux qui s'estiment supérieurs contrôlent les autres, sont remarquablement efficaces pour conditionner les gens, pour les rendre dociles et soumis, pour étouffer la vitalité qui les habite. Les femmes se persuadent que la femme à modèle n'a pas de besoin, elle les sacrifie à ceux de sa famille. De même, les hommes sont convaincus que tout homme courageux n'a pas de besoin, il est prêt à donner sa vie pour protéger les biens d'un roi. Parallèlement à ce conditionnement, nous avons développé un mode de pensée basé sur le jugement et justifié un système de récompense et de punition. Nous avons instauré un système judiciaire basé sur la notion de rétribution, qui légitime et renforce l'idée que punition et récompense sont méritées. Cette façon de penser est, à mon avis, le creuset de la violence de notre monde. Pour maintenir une structure de type autoritaire, il est utile d'éduquer les gens à croire que certaines choses sont justes, d'autres fausses, que certaines choses sont bonnes ou mauvaises, égoïstes ou altruistes. Et qui possède cette connaissance ? La personne occupant le sommet de la hiérarchie, bien entendu. Notre esprit est donc programmé à se préoccuper de la manière dont nous serons jugés par celui ou celle qui se trouve au-dessus de nous dans cette hiérarchie pyramidale. Il est aisé d'entretenir un tel état d'esprit car, dès que nous vivons dans le souci permanent d'être jugés par autrui, nous nous coupons de notre énergie vitale et de celle des autres. Par conséquent, à force de vivre sous l'emprise de ces autorités, nous développons un langage qui nous coupe de nous-mêmes et des autres et nous éloigne de la compassion. À l'heure actuelle, nous vivons dans une société de domination, si ce n'est que nous sommes passés de la monarchie à l'oligarchie. Nous avons affaire à ce que j'appelle des gangs et non plus à des individus. De la même manière, lorsque nous nous efforçons de changer la société, notre attention se porte sur les agissements de groupes plutôt que sur ceux de particuliers. Dans ma vision des choses, les gangs sont les groupes qui se comportent de façon qui nous déplaise. Certains de ces groupes s'appellent gangs de rue, ce ne sont pas ceux qui m'effraient le plus. Il en existe qui se donnent le nom d'organisations multinationales, d'autres s'appellent gouvernements. Ces deux dernières espèces de gangs agissent fréquemment en contradiction avec les valeurs qui me sont chères. Ils contrôlent les écoles et sont nombreux à exiger des enseignants qu'ils inculquent à leurs élèves une certaine notion du bien et du mal, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Leur objectif est de motiver les élèves à travailler dans le but d'obtenir des récompenses, de manière à pouvoir les engager plus tard à travailler 8 heures par jour, pendant 40 ans, à exécuter des tâches dénuées de sens. Merci Thierry pour la lecture. Qu'est-ce qui était important pour toi dans ce passage que tu nous as lu ? Ce qui est important pour moi, c'est que effectivement, on voit qu'on a hérité d'une culture du rapport de force, du bien et du mal, qui s'entretient et qui nous coupe de nos de notre force vitale et de nos élans, et que l'enjeu c'est vraiment de se reconnecter à ça, quoi. De tu vois, moi je vois que dans toutes les pratiques que l'on fait sur l'intériorité, la première chose la question qui revient tout le temps, c'est comment je me sens. Donc comment j'arrive à me reconnecter à ce qui est vivant en moi. Et que c'est vraiment une clé en fait pour arriver à clarifier quel est mon besoin, clarifier de vers où j'ai envie d'aller, en quoi ça nourrit quelque chose d'essentiel pour moi. Allez, on va direct en 2030 Glorious parce que c'est vraiment le moment important et le plus intéressant. Moi, j'avoue que j'ai hâte de t'entendre à ce sujet. Les 2030 Glorious, c'est une époque que j'ai décrété un jour parce que j'en ai marre de toujours me dire que le présent était trop dur et que j'arrêtais de penser à l'avenir qui n'était pas désirable, pas souhaitable, qu'on nous vendait. Toi, tu le sais mieux que moi, auteur de dystopie que tu as été de manière sombre et angoissante. Et forcément, cette prophétie autoréalisatrice, à force, elle pèse et on l'a fait advenir malgré nous. Et donc, j'ai décrété que voilà, on ouvrait des 2030 glorieuses, on avait besoin de les ouvrir entre nous, de les faire exister sur nos sujets pour se dire, mais en fait, si demain c'était mieux, à quoi ça ressemblerait et comment on peut y aller sans attendre. On va faire cet exercice par pure imagination, simplement par la parole. On va essayer d'être le plus concret possible pour que les personnes qui sont de l'autre côté des écouteurs, de l'enceinte, qui nous écoutent et qui sont restées en 2025, elles réussissent à presque y être avec nous. Donc je vais te demander, Thierry, de parler au présent, de décréter les 2030 glorieuses. Si tu parles du futur, tu parleras peut-être des 2040, 50, j'en sais rien, c'est à toi de nous le dire, et d'être avec le plus de détails, le plus de nuances, le plus de couleurs possible. On va rêver en grand, on va se l'autoriser. Ce sujet le demande encore plus que les autres, sans doute. On est en 2030 glorieuse. J'aimerais bien que tu nous dises quelle place la non-violence a dans nos vies. Et d'ailleurs, est-ce qu'on continue à dire la non-violence? Est-ce qu'on a remplacé le terme par une terminologie, comme on le disait en début d'entretien, plus positive? Est-ce qu'on parlerait de paix? Est-ce qu'on parlerait de bienveillance? Raconte. Et dis-nous où on en est. En 2030, ce qui se passe, c'est que on est sorti des rapports de force en fait. La politique, l'économie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on n'est plus dans du rapport de force. On est en permanence dans des recherches de coopération en fait. Le mot d'ordre, c'est comment je prends en considération toutes les parties prenantes et au-delà. La communauté et au-delà de la communauté du vivant. Donc c'est vraiment ça le changement, c'est que on a abandonné cette idée que le monde est un monde de stock de ressources. Et en ça, je rejoins un petit peu justement Maxime Blondeau qui disait si on voit le monde comme un stock, comme un monde de flux et non plus de stock. Alors ça change tout. Et là, c'est vraiment ça, en fait, qui s'est passé. Donc on a changé notre vision du monde de manière très concrète, rien qu'au niveau économique, ça veut dire effectivement des coopératives partout, à l'école ça veut dire l'apprentissage de la coopération, mais il y a aussi un apprentissage nécessaire de l'intériorité, de savoir nos blessures, nos forces, nos faiblesses, d'oser les questionner, de les partager pour pouvoir mieux les résoudre individuellement et collectivement. Tu le disais tout à l'heure, dans la première partie de notre interview, la non-violence c'est pas l'absence de rapport de force et ça veut dire que au niveau géopolitique, national, international, on a eu besoin aussi d'établir des rapports de force. Est-ce que tu peux me raconter comment on est arrivé à cette normalisation de la non-violence? Quels ont été les points de rupture, les moments de bascule qui ont permis de passer de cette époque de l'ultra-violence, l'ultra-possession, l'ultra-prédation à cette nouvelle époque des 2030 glorieuses de la non-violence et de la coopération? D'une certaine façon, c'est grâce au changement climatique. C'est-à-dire que l'aggravation des conditions d'habitabilité de la Terre a clairement mis la lumière sur le fait qu'on est tous ensemble sur un seul bateau, la planète Terre, un seul monde fini, et que chaque individu, chaque groupe, chaque nation a un rôle à jouer, et que c'est seulement la coopération qui permet de s'en sortir, quoi. Ça me fait penser à ce livre qu'a écrit Pablo Servigne avec Gauthier Chapelle dans les années 2020. Je sais pas si tu te souviens de ce livre qui s'appelait L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui dit qu'en fait, voilà, on sait aujourd'hui que dans l'évolution du vivant, l'entraide fonctionne beaucoup mieux que la compétition. Et c'est ça qui est, en fait, c'est ça que le réchauffement climatique nous a permis de prendre conscience avec toutes les cataclysmes qui l'a amené. C'est que, en fait, on a besoin les uns des autres et que la seule stratégie de survie viable, c'est la coopération. Je me rappelle ces moments où, à l'époque, les États-Unis commençaient à brûler. Tu te souviens sans doute des incendies à Los Angeles. Et que, malgré les velléités de Donald Trump d'annexion du Groenland ou que sais-je, du canal de Panama, on s'est retrouvé avec une armée, notamment de terre, hein, le mot était le bon, qui a décidé, au contraire, de rester sur le territoire états-unien pour sauver les gens, sauver les habitations, sauver les espèces vivantes et se mettre au service de la lutte contre les catastrophes naturelles plutôt que la propagation indéfinie et infinie de la violence. Ouais, exactement. C'est un bel exemple de, pour moi, de comment à un certain moment la prise de conscience, et c'est vraiment ça, tu vois, c'est pour moi, c'est vraiment ça qui s'est passé. Il y a une prise de conscience globale, parce que ça me fait penser à ce que Jean-Pierre Gou fait avec son association One Home, enfin ce qu'il a fait par le passé sur l'overview effect. Là, c'était vraiment ça. Hein. Ça a été l'overview effect, mais pour le plus grand nombre, pas uniquement les happy few qui pouvaient aller dans l'espace. Ça a été la prise en conscience que on peut agir là, tout de suite, maintenant, juste à côté de chez nous. Et qu'il n'y a pas besoin d'être dans une stratégie de compétition et d'exploitation de ressources ou quoi que ce soit, que ce qui se joue, ça se joue entre êtres humains dans un rapport vraiment direct et local. Comment on a fait? On était pris par ce syndrome du prisonnier où on a l'impression que si on fait ce pas de côté et qu'on se met au service du futur, au service du vivant, plutôt que d'être dans la posture passéiste, voilà, de la puissance, de la domination, on se mettait en position de faiblesse, alors qu'en fait, pas du tout. On se mettait en posture de confiance et d'ouverture face à tous les enjeux de notre siècle. On passait à l'âge adulte de notre époque et de notre espèce. Comment on a fait? Comment on a osé faire ce premier pas? Est-ce que ça s'est fait au niveau européen, au niveau français? Comment on a fait ce pas de la confiance vers les 2030 glorieuses? Ouais, ce qui s'est passé, ça, en fait, ça s'est joué en partie dans la sphère de la culture. C'est par là que c'est arrivé. Un peu, d'ailleurs, tu vois, ça me fait repenser. Là, je citais juste Jean-Pierre Gou, hein, qui parlait de l'homo biosphéris. C'est-à-dire que au-delà de toutes les études scientifiques qui avaient pu être faites par le passé sur l'évolution du vivant, etc., il y a eu cette notion que finalement l'homme qu'on considérait comme un peu l'aboutissement de l'évolution, c'est quoi sa mission en tant que sujet du vivant, en tant que brique du vivant? En fait, c'est le seul être vivant capable de prendre soin du vivant, finalement. En fait, c'est ça qui est apparu. Et quand quand on a pris conscience de ça et que ça a commencé à se développer à travers la culture, qu'on a commencé à parler de ça, à ce que tout le monde puisse s'emparer de cette mission un peu, que chacun puisse se dire mais en fait oui, nous en tant qu'être humain on a ces capacités cognitives qui nous permettent d'aller sur d'autres planètes, de faire des trucs incroyables. Et si finalement cette capacité, elle n'était pas simplement au service de la protection du vivant, quoi. Si est-ce que la nature nous a pas doté simplement de ça pour protéger le vivant? Et c'est vraiment la prise la découverte de cette idée et que tout le monde se soit emparé de ça, qu'il y a eu plein de romans écrits là-dessus, plein de films qui ont été faits là-dessus, plein de choses, qui a fait que ça s'est vraiment diffusé largement et que chaque individu a pu s'emparer de ça. Et devenir acteur et actrice de façon très concrète. Et donc aujourd'hui, on la mesure comment cette non-violence et son, j'allais dire, la santé de la non-violence. Comment on arrive à savoir si l'état de la non-violence dans nos pays, dans nos villes, dans nos vies est stable, sain et en croissance. Qu'est-ce qui nous permet de suivre ce changement d'air et sur ce point précis de la non-violence? Est-ce que c'est du coup le pendant que tu décris sur notre capacité à régénérer le vivant et dans ce cas-là, comment on le mesure? Ou est-ce qu'il y a un indicateur ou plusieurs indicateurs, des signaux faibles qui nous permettent de suivre la santé de la non-violence dans le monde? Ouais, bah déjà, moi, un des indicateurs que je vois évident, c'est déjà les questions de parité. Homme-femme déjà au niveau planétaire, quoi, de voir que dans les années encore 2020 80% des postes de pouvoir étaient concentrés dans les mains des hommes uniquement, qu'aujourd'hui on est sur du 50-50, que ça c'est à peu près réparti partout dans le monde, que les du 60-40 même féminin un peu au-dessus du masculin, ça nous ferait pas de mal, non? Ouais, t'as raison, ouais. Ouais, t'as raison, pour équilibrer un peu la balance. Y a ça, il y a les prisons sont plus engorgées, dans le sens où on a mis en place des processus de justice restaurative qui font que on a beaucoup moins de récidives, on a beaucoup moins de gens qui font des longues peines. Donc déjà on évite la concentration de la délinquance dans des endroits, dans des espèces de ghettos qu'étaient les prisons avant. Et on voit que ça se remplit moins qu'avant. Donc on a des indicateurs de ce côté-là. On voit aussi qu'au niveau mondial, au niveau conflit, bien sûr, il y a toujours des conflits entre États, mais ils ne se règlent plus par les armes. On a des instances internationales telles que l'ONU qui fonctionnent beaucoup mieux suite à la réforme notamment du Conseil de sécurité, où contrairement à ce qui se passait dans les années précédentes, l'exemplarité est de rigueur. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ça a quand même été un bouleversement quand le principe d'exemplarité des membres du Conseil de sécurité a été voté et que du coup les États-Unis et la Russie ont été exclus du Conseil de sécurité parce que ils avaient soutenu ou étaient impliqués dans des conflits armés. Donc ça a quand même vachement changé la donne. Ça a remis. Ouais, la coopération, elle a dû s'incarner au niveau international. C'est ça que tu dis. On n'avait pas d'autre choix que de réactiver aussi ces processus de coopération qui a été même presque en état de mort clinique il y a une dizaine d'années à peine. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a eu tellement de transgressions du droit international par des grandes puissances qui étaient censées incarner par leur présence au Conseil de sécurité une certaine légitimité du recours à la force, que ça n'avait plus de sens. Il y a eu donc plein de pays qui auraient pu vouloir recourir à l'arbitrage des Nations Unies ne le faisaient plus. Parce que ça n'avait plus de sens et que donc il a été nécessaire de réaffirmer que le respect du droit international c'est quelque chose qui n'est pas négociable et qu'il a fallu poser des actes marquants pour que ce soit pour redonner de la confiance. Et donc les casques bleus sont aussi devenus des casques verts. J'imagine à l'échelle de nos vies, de manière peut-être un peu plus proche de nos quotidiens, des statues de Marshall Rosenberg de partout dans les villes ou ces livres réédités. Non, comment cette non-violence, elle se traduit dans nos quotidiens? Comment on la protège? Comment on continue à la déployer? Ça s'inscrit dans l'éducation? Ça s'inscrit dans des pratiques? Est-ce que de temps en temps, à la radio, à des heures fixes, il y a des pratiques de méditation? Enfin, j'en sais rien. Est-ce que tu as des idées par rapport à ça, de manière à systématiser un peu la pratique de la non-violence? Ouais, alors les statues de Marshall, pas trop, hein, je suis pas trop favorable à ce genre de truc, à l'idéalisation des individus. En tout cas, oui, dans le cursus scolaire, il y a plein de pratiques de développement personnel, dont la communication non violente, mais pas uniquement. Voilà, à l'école, on apprend aux enfants la méditation de pleine conscience, la communication non violente, des pratiques corporelles telles que le yoga. Donc ça, ça fait partie des heures d'enseignement obligatoires de la maternelle jusqu'au lycée. Et ça, ça change la donne parce que c'est la pratique, c'est le fait de, c'est le fait d'avoir fait ce choix et que ce soit récurrent et que ce soit sur du long terme qui fait que c'est devenu une culture, c'est rentré dans la culture au niveau mondial. Et donc, ça, comme par le passé, malheureusement, la culture du conflit et du rapport de force était rentrée dans la culture, hein, au tel point que on se souvient que tous les films qu'on voyait sortir, les fameux blockbusters, c'était toujours des histoires de mecs qui se tapaient dessus et c'était le plus fort qui gagnait. Et ben ça, ça a disparu et on est sur une culture de la coopération, de la force d'âme, comme dit Gandhi. Voilà. Toi, Thierry, t'es pas trop fatigué là de tes voyages incessants au forum mondial des acteurs de la non-violence, de ce grand déploiement qui fait qu'aujourd'hui les Raoult mondiaux, ce sont ces forums des acteurs de la non-violence. Hein. C'est plus grand que les journées mondiales de la jeunesse, c'est plus grand que je sais pas quel grand rassemblement mondiaux on pouvait avoir en tête à l'époque, je me rappelle plus. Je suis pas fatigué parce que c'est quand même une grande joie de pouvoir célébrer qu'on vit ça, que c'est arrivé. Et en même temps, bon, maintenant moi je suis plus très actif. Hein. Il y a plein de gens qui ont repris parce que voilà, la coopération c'est ça aussi. Hein. Moi je veux pas garder l'initiative ou la direction de ce genre de choses indéfiniment, quoi. Tu fais quoi, toi, alors, du coup, en 2030 glorieuse? J'essaie de te tendre la perche de l'essor mondial du forum, mais j'imagine bien que tu as peut-être d'autres choses en tête sur ton quotidien en 2030 glorieuse que tu voudrais nous partager. Bah, mon quotidien, il est en fait, c'est super parce que finalement, la non-violence, c'est un peu la règle. Donc du coup mon quotidien, bah, c'est juste de suivre mes activités de façon habituelle, voilà, de sans trop être dans justement un besoin de me dire ah il faut qu'on lutte pour ci, il faut qu'on lutte pour ça. Non, c'est le fait de se dire voilà, les choses avancent, je vois que le vivant se régénère, je vois que le monde dans lequel on vit est de moins en moins violent, qu'il y a de plus en plus de coopération, que c'est porteur d'espoir. On n'a pas d'autre choix que de revenir en 2025 et que ça y est, on s'adresse à nouveau dans la même temporalité aux personnes qui nous écoutent pour clôturer cette interview. Cette année 2025 qui s'annonce comme une année... chaotique sans doute, mais peut-être aussi un chaos qui soit lumineux, un chaos qui soit joyeux, un chaos sans doute au moins fertile. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens comme fil à tirer pour continuer à leur donner l'énergie, la foi, les mettre en mouvement et puis même leur permettre d'être acteurs de tous ces mondes d'après, de cette période où l'entraide sera l'autre loi de la jungle? Par quoi ils continuent là sans attendre une fois que le podcast sera terminé? Ah, alors là, j'ai envie d'inviter tout le monde à aller se former à la communication non violente, parce que c'est vraiment un changement de point de vue sur le monde qui est vraiment extrêmement puissant et porteur d'espoir. De pouvoir regarder le monde à travers de chaque individu que je croise, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. J'arrive à me relier au fait qu'il est en train d'essayer de nourrir un besoin qui est important pour lui. Voilà. Et ça a l'air anodin, mais que ce soit chez au feu rouge, il y a un mec qui klaxonne, c'est sûrement quelqu'un qui est pressé, qui a besoin de nourrir son besoin d'être à l'heure à son boulot, ou qui a besoin de nourrir son besoin de liberté, je ne sais pas. Bref. En tout cas, si je peux me relier à ça, alors, je suis plus dans les images d'ennemis, je suis plus dans la polarisation, je suis plus en train de juger, et ça, ça change tout, en fait. Merci, Thierry. Eh ben, merci à toi, Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse.